Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchange la tête. Tout à fait, l'émission qui déjante la tête pendant 2 heures avec Léna et son programme fabuleusement chargé aujourd'hui. Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons retrouver le sondage du jour. Ensuite, la Summer Chronique, l'annonce. Nous allons annoncer le sein du jour d'aujourd'hui, bien sûr. Et nous allons présenter un petit canular. Bien sûr, on va faire ça. Et ça va être excellent. C'est pour cette première heure et nous attaquons tout de suite en musique avec quelque chose, Léna, qui va mettre en forme nos auditeurs et toi-même également. Il s'agit de Mason versus Princesse Sus Perfect. Le titre, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. À l'instant, c'était Mason and Princess, le titre Perfect. Vous êtes en compagnie de Léna et de Jack pour la Summer Attitude, c'est sur Estival, ça se passe sur les ondes en modulation de fréquence, j'aime bien le dire comme ça, c'est le 107.4. Et Léna, là on va retrouver d'ici un titre, c'est Mario Winans, How Do You Iris, le titre. Et juste derrière, on retrouve quoi? On retrouve le sondage du jour. Oh, j'ai hâte, parce que j'aime bien savoir quand même ce que pensent les Pérousiens de cet été. Et quelles sont leurs petites habitudes, leurs petites manies? C'est juste après The Lover quand même, hein. Mario Winans. How do I breathe? Different being here. I was so used to being next to you. Life for me is not the same when there's no one to turn to. I don't know why I let it go too far. Starting over, it's so hard. Seems like everywhere I try to go, I keep thinking of you. I just had a wake up call, wishing that I never let you fall. Baby, you were not to blame at all when I'm the one that pushed you away. Baby, if you my love home, girl. But baby, I ain't perfect, you know. The grind has got a tight hold. Girl, come back to me. Cause girl, you made it hard to be. When you're not with me, tell me how do I breathe. C'est le club VIP, à l'instant c'était Marion Williams, How Do I Breathe, comment je respire. Vous écoutez le club VIP, Léna est dans les studios, dans la place comme on dit. Wesh, et la suite c'est le sondage du jour. Alors qu'est-ce que c'est que le principe du sondage du jour? Tout simplement, Léna va sonder des personnes et puis restituer tout ça en chiffres. Ça donne le sondage du jour. Le sondage du jour, toutes les tendances enfin déchiffrées par notre expert. Et notre experte, elle a fait quoi? L'experte, elle est partie sonder les vacanciers en leur posant la question « Quel est votre objet fétiche ?» D'accord. Donc en premier, on retrouve beaucoup les bijoux. Donc tout ce qui est pendentif, chaînes, alliances, chevalières. Ouais. Donc j'ai regroupé tout ça dans les bijoux. Oui, tout à fait. Ensuite, le téléphone portable apparemment est un objet fétiche. Ouais. Et les porte-clés. Les porte-clés, pas mal? Ouais, pas mal aussi. Et comme t'as bien fait les choses, il y en a encore au niveau objet fétiche? Si, il y a quelqu'un qui m'a dit sa moto. Donc c'est un motard passionné. Sinon, un petit chat en statue aussi, on m'a dit. Donc tout ce qui est petite statue. Et un musicien, puisque c'était sa basse. Ah ouais, forcément. Et on peut peut-être écouter une réaction, parce que je crois que tu avais des micros à ce moment-là sur toi. Coup de chance. Et voilà ce que quelqu'un nous a répondu pour ce sondage. Mon objet fétiche, donc c'est un pendentif qu'on m'a offert pour un de mes anniversaires. Oh, c'est mignon. Bah ouais. Il y en a d'autres, on peut peut-être en écouter d'autres. Plus tard, on retrouvera dans la suite du programme. Voilà, en tout cas, si vous voyez Elena sur la plage, c'est pour des sondages. C'est Miss Sondage, Miss CSA Sofresse. Et les chiffres étaient plutôt bons aujourd'hui. Pour la musique Justice avec Dance, on se retrouve derrière pour la suite du programme. Ça va déménager, je le vois hein, dans le conducteur. On vous en dit pas plus, c'est après ça. To ignite. You were such a BYT, catching all the lights. c'est furieusement bon, c'est Justice Dance. Et c'est sur le club VIP. On retrouve vos lots d'animateurs. On veut faire l'annonce maintenant, il me semble. Hein. C'est une annonce importante à faire. Si vous écoutez le 107.4, écoutez bien, c'est Léna qui fait l'annonce, c'est la suite. Et elle a le conducteur en main de l'émission. Donc, Léna, que va-t-on retrouver? J'ai hâte. La Summer Chronique. Ah, c'est la Summer Chronique. Et alors, c'est quoi aujourd'hui? Nous sommes... Jeudi. Jeudi, donc c'est jeudi. Rétromédia. Voilà, c'est bien fait. Hein. Rétromédia, c'est les archives un peu de la télévision, du web, de la radio, enfin tout ce qui existe au niveau sonore. Ça va venir dans la radio très très vite et puis c'est souvent par une thématique assez rigolote. Donc aujourd'hui, on verra un petit peu cette thématique, c'est surprise. D'accord. Un collector. Tout de suite, un collector. Ça s'appelle Tears for Fears et Sowing the Seeds of Love. Je vais absolument vous le passer aujourd'hui. Adventure. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love sur l'antenne de d'Estival sur le 107.4. Le club VIP. Et c'est le club VIP avec Léna toujours dans les studios qui quand même se prépare au niveau de la météo, hein, j'ai l'impression. Oui. J'ai vu ça secrètement. Je peux vous parler un peu des coulisses des préparations. Il y aura le saint du jour à venir. Et puis là, c'est l'heure de retrouver la Summer Chronique. Alors, je vais t'en parler, Léna. Est-ce que tu écoutes souvent les actualités? Oui. Ouais. Oui. T'écoutes le journal de quelle chaîne? Tiens, sondage comme ça pour moi. De France 2. D'accord. Eh bien là, c'est peut-être un journaliste de France 2, mais en tout cas, j'ai référencé trois boulettes assez importantes au niveau des informations. Les voici. C'est des fous rires, des choses qui se passent de façon cocasse au niveau d'un journal. C'est le Rétromédia. Rétromédia, les archives audio oubliées. Rétromédia, c'est la mémoire des fichiers audio issus des différents médias, TV, web, radio. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir ces journalistes qui, à cause d'une petite maladresse à l'antenne, n'ont pu devenir les futurs PPDA ou autres pujadas de l'actualité. Première grosse boulette à éviter, celle-ci. Et 14h et presque 4 minutes sur France Inter. Bon après-midi. Sur France Inter, je ne dis n'importe quoi. Sur RTL, bon après-midi. Les grands formats de l'été, Evelyne Pagès. Ah, c'est plutôt une boulette que d'oublier le nom de sa radio. Deuxième boulette journalistique, on commence sa phrase avec verbe et complément, normal, puis on la finit en catastrophe avec un mot, voire aucun. Écoutez. Les 12 seront-ils bientôt 13? La candidature de l'Autriche à la... CEE. C'est une boulette. Enfin, un journaliste se doit de connaître sa géographie, même quand c'est dur. C'est la troisième boulette. Pas de convoi humanitaire à je pourrais jamais le dire. Srebrenica, voilà, pour le général Morillon. Le général Morillon attend toujours à Srebrenica. Alors, j'y arriverai jamais. Srebrenica, pardon. Srebrenica. C'est vrai qu'ils auraient pu choisir un nom plus simple. Ce rétromédia spécial boulette journalistique s'achève. C'était un grand moment de radio. Ouais. À bientôt pour de prochains fichiers audio. C'était Rétromédia. Voilà pour le rétromédia, pour la musique, c'est Mika avec Love Today. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Tease for fun. Voilà, c'est le Club VIP. Nous sommes le 5 juillet. Et le 5 juillet, il s'est passé des choses dans l'actualité. Alors voici le journal de la rédaction avec ses news insolites. Vous savez, nous, on aime que les choses un peu gaies. Guillorette, comme on dit. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, à Paris, les auteurs de Coup de Boule, souvenez-vous l'année dernière, le tube de l'été 2006 espère répéter l'opération en 2007 avec cette fois une chanson ironisant sur le dopage dans le Tour de France. Bah ça promet. La suite, les policiers d'une ville néerlandaise ont vu passer un homme à vélo sur le toit d'une voiture quand même, c'est impressionnant. Ça veut dire, ça reste un peu dans le Tour de France. Le conducteur et son épouse ont déclaré aux agents qu'ils avaient bien entendu du bruit lorsqu'ils avaient stoppé à un feu rouge, mais n'avaient pas réalisé qu'ils prenaient un passager clandestin. Le gars est monté avec son vélo sur le toit de la voiture, c'est incroyable. Comment on fait pour... Oui ? Il a été arrêté pour état d'ivresse en fait. Ah ouais, c'est ça ? Mais comment on fait pour escalader avec un vélo ? Ça devait être un sacré VTT tout ça. C'était impressionnant. Du tout terrain. La suite, c'est le programme qui a par mort, Destination Bien-être. Alors, pour cet après-midi, venez découvrir les dessins animés, donc pour les 7-12 ans, de 14h à 16h. Ensuite, venez vous initier au Speedminton, plage de Trestraou, de 14h à 15h, suivi d'un tournoi, de 15h à 17h. Et pour votre soirée, c'est du bowling, de 19h à 21h. Ah, c'est bien ça. Et la journée de demain ? Alors, la journée de demain, venez découvrir le bricolage, donc c'est de la fabrication carillon ethnique, de 14h à 16h. Ensuite, venez vous initier à l'ultimat, de 14h... C'est ça, c'est l'ultimat ! Mais tu le vends bien, de, ouais. De 14h à 15h, à Trestriniel. Non mais Thomas, c'est bien ça, c'est quoi l'ultimat en Thomas fait ? Thomas est spécialiste, hein, bah dans oui, le studio, c'est notre spécialiste. Sportif, Thomas, viens, je crois que c'est... C'est du rugby, du frisbee. C'est du frisbee. Du rugby, du frisbee. Après, vous avez un tournoi de 15h à 17h et pour le soir, venez vous initier au tennis de table. Ah, c'est sympa tout ça. Oui. Bon, ça sera pour votre journée de demain. Mark Morrison pour la musique avec Dance For Me. So you wanna be a superstar, drive a Lexus car, eating caviar. Make your money from your fling, when you shake your fang like it ain't no fang. And you say you want the high life, cause you like the life, and you never wanna let it go. Tell me what you're gonna do, cause it's on you, and you know you want it. Cash money. Pence. If it don't make dollars, then it don't make sense. Me no need no man money, but me gladly take it. Me want the paper, you want me naked. Me no even have a like it, me no for fake it. You supply the dough, and me go and bake it. Empty account faster than a 50-yard dash. We no do this for health, what we do this for? Cash, money. Yeah. prepare for spend. Tell them this year we not pick the man them. Who never hear me, could tell them again. Yo, this year no better prepare for spin. Some man said them nah let off still. Like them underestimate the rude girl them skill. Them the kind of man me love bring home for the kill. Walk them on enough all them guts them spill. How am I do me just work it? Work it, lock the pole. Work it, turn me roll. Work it, take control. Make them spin them heart and them mind and soul. After enough from a friend, they Jack Daniel. Don't know themselves different from a cocker spaniel. Wake up in the alley with them pockets skin out. Mongrel dog, I lick off them mouth when the eye laugh. Ride them call with the Lila. Cash activate them style, yeah. We not proud of them neither. You don't know, it's all about the cash. What we say, that I do it. Going. Club VIP. Club VIP, c'est reparti avec son lot d'animateurs de bonne humeur, Léna dans les studios. Ouais. Ouais. Alors, on va attaquer la suite du programme avec beaucoup d'attention puisque bah déjà il y aura un jeu, on vous le cache pas. On a fait énormément partir de bracelets, hein, surtout hier soir, c'était impressionnant. On a quasiment plus de bracelets collector fashion, les bracelets verts, donc si vous voulez les derniers, faudra commencer à bien noter le numéro SMS. Je fais également une petite annonce si vous aimez les huîtres, t'aimes bien les huîtres, hein, je sais. À regarder. Et eh ben, si vous aimez les huîtres, moi j'adore, hein. Il y a 48 huîtres à gagner tous les jours à partir du 9 juillet. C'est énorme, c'est la radio qui organise ça. Vous gagnez 4 douzaines d'huîtres, c'est cash, ça marche par téléphone. Voilà. Et la suite du programme, eh bien, ça sera le saint du jour. On va retrouver le saint du jour bientôt. Oui. Mais là, on ne vous fait que l'annoncer, c'est surprise, il y en a peut-être qui savent. Toi, est-ce que tu connais le prénom ? Est-ce que tu connais des gens qui s'appellent du prénom du saint du jour, par exemple ? Oui. Eh ben, VIP. J'en connais. T'en connais. On les appellera peut-être alors ? Non. On verra. On verra. On verra. En tout cas, on vous fait les révélations du saint du jour juste après Vendetta avec Break for Love. Let me do that for you. gotta go. Club VIP. Club VIP à l'instant avec David Vendetta qui était dans la place avec le titre Break for Love et qui était sur la plage. Nous, nous sommes dans le studio pour vous faire l'annonce du saint du jour, car chaque jour il y a un saint, chaque jour nous souhaitons la fête d'un prénom et on aime bien le faire comme ça sur l'antenne. Et aujourd'hui, après le petit jingle sonore, vous entendrez la douce suave voix de Léna qui vous expliquera le saint du jour. Mais elle doit attendre le jingle, hein. Ça c'est un truc de radio. Et le jingle se fait attendre. Je rappelle que l'émission est en direct. Si vous voulez envoyer vos SMS, vos commentaires, c'est au 0622 69 18 19. Je répète, pour bien noter sur une feuille, 0622 69 18 19. Allez, le saint du jour est prêt. On est prêt, c'est parti. Saint du jour, un saint à l'honneur. Le saint à l'honneur aujourd'hui, c'est Antoine. Donc, bonne fête à tous les Antoine. Bonne fête, Antoine. Donc, en fait, Antoine, on l'invoque pour retrouver les objets perdus. D'accord. Ah oui, quand même. Mm-hmm. Donc, par exemple, si tu perds tes clés, tu cries Antoine. Tu cries Antoine et normalement, il t'aide à retrouver tes clés. Eh bien, je regarde si j'ai un Antoine dans mon répertoire téléphonique quand même pour lui souhaiter sa fête. J'en connais, mais visiblement, j'ai pas leur numéro. Ah, c'est pas allô. Je le salue d'ailleurs, s'il nous écoute. Antoine, appelle à radio, hein, donne-moi ton numéro, parce que je... Enfin, c'était un animateur, il y avait des animateurs. Antoine, donc bon, je les salue. Et puis justement, je peux peut-être l'invoquer pour retrouver son numéro de téléphone que j'ai perdu, c'est pas bête. Ah, ça a peut-être marché. Farah Kenza pour la musique, une copie de Jennifer. Incroyable. Je vis chaque étape de ma vie intensément. Et à c'était Kenza Farah avec Appelle-moi Kenza. Donc... C'est ça. Donc, je vais vous rappeler quand même le numéro d'SMS, parce que c'est important pour jouer après avec nous. Donc, c'est le 0622 69 18 19. Donc, 0622 69 18 19. Donc, je rappelle que tout à l'heure, il y aura le Sun Game et la réponse du jeu d'hier, puisque nous avons eu beaucoup d'appels à ce numéro. Donc, nous verrons aussi tout à l'heure la météo des fruits de mer, puisque nous avons besoin de savoir quel temps il va faire, bien sûr. Ensuite, je vais peut-être vous donner une petite information sur Destination Bien-être pour cet après-midi. Donc, c'est 13 sans stress. Donc, vous pouvez venir au camion apprendre à faire des tresses brésiliennes. Donc, c'est à 13 Traoux que ça se passe. Donc voilà, nous allons retrouver Bob Sinclair. Bob Sinclair. Avec What I Want. La radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon, 0622 69 18 19. l'instant, c'était Muttonhead avec le titre. Le titre c'était Make You On My Own. Bah oui, tout simplement, vous êtes sur le club VIP avec Léna, avec toute cette bonne ambiance. Et on va attaquer avec le sondage, c'est le canular. Puisque vous savez, aujourd'hui c'est la Saint-Antoine. Et on va appeler alors aujourd'hui des collectionneurs d'art. Voilà. On y va, Léna ? On est parti ? On y va. Oui, parce que dès qu'il y a un canular, c'est un peu dans le studio, un peu le bazar, puisqu'on essaye de tout simplement se retrouver au niveau des petites blagues à faire. Donc aujourd'hui, c'est la Saint-Antoine, hein, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Donc tu vas appeler l'atelier Antoine, c'est ça ? Je vais appeler, ouais, tout à fait, un atelier Antoine qui vendent en fait des objets d'art. Voilà, j'ai même retrouvé ces bases Antoine Rovi, donc ça se passe achat et vente d'objets d'art et de collection. D'accord. On y va. Attention, c'est parti. Je vais me faire passer pour un grand collectionneur, ouais, puisqu'aujourd'hui c'est leur fête. Donc tu t'appelles Jean de Gonzague, tu es collectionneur d'œuvres d'art contemporain. Exactement. Ça rigole plus. Voilà. Allô. Oui, allô. Oui. Bonjour, Jean de Gonzague. Oui. Oui, vous vendez bien tout ce qui est achat et collection d'objets d'art. Oui. Oui, voilà. Alors, je suis collectionneur d'œuvres d'art néo-contemporains. Nous étions vus entre filets. Et, quand ? Oh, il y a quelques semaines de cela. Je suis américain, donc des fois je passe. Je suis franco-américain même d'ailleurs. Vous pouvez me connaître sous le nom de John de Gonzague également. Oui. Oui. Est-ce que vous avez eu les petites pièces intéressantes au niveau néo-contemporain classique ? Non, je n'en ai pas. D'accord, c'est parfait. Et pour ma collection personnelle, je souhaiterais tout simplement acheter beaucoup. Est-ce que c'est possible chez vous ? Acheter beaucoup ? Ah oui, tout à fait. Je suis prêt à mettre le paquet en euros de millions de dollars. Oh non, non, non, on n'est pas ce genre. Je regrette. Moi, de toute façon, on va fermer demain. On va faire demain. Oui, c'est bien ça. Ok. Donc, je peux peut-être... Vous vendiez quoi ? Parce que j'ai un petit trou de mémoire quand même là. Monsieur, on va fermer demain, après-demain. Je téléphonerai dans 2 mois, s'il vous plaît. Ah, ça y est, d'accord. Ok, merci. Dans 2 mois. Est-ce que je pourrais joindre le patron, s'il vous plaît ? Il n'est pas là, le patron. Il est en voyage. Ah ouais, bah ça, chaque fois avec lui, c'est pareil. Hein. Ah. on se prend des bouffes ensemble et puis dès le moment de faire les affaires, il n'y a plus personne. J'ai des clients, monsieur, je le regrette. Oui, bien sûr, moi aussi. Okay. En tout cas, bonne fête, c'est la Saint-Antoine. Au revoir. Oui, oui. Je sais pas ce qu'ils vendent. Non. Mais bon, en tout cas, il n'était pas aussi bien que celui d'hier. Hein. Ah, mais je vais pas renoncer. Tu vas faire un truc. Non, on va faire un autre Antoine. Ah, mais j'ai l'impression qu'ils vendaient rien, en fait. Non, mais je pense que je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait des clients, il n'avait pas le temps. Puis il allait fermer dans deux jours. Dans 2 jours, ouais. Repasser dans 2 mois, ça va faire quand même tard. Je voulais quand même lui vendre plein de choses, j'ai pas pu. Ah, c'est dommage. Et je voulais acheter plein de choses, j'ai pas pu non plus. C'était la Saint-Antoine. Allez, peut-être que d'ici la fin de l'émission, on fera un petit clin d'œil à un autre Antoine au niveau canular. En tout cas, c'est bien sympathique tous ces moments de direct. Miss Luna Shining on My Own, c'est sur la radio et c'est ça. I will be dancing Miss Luna avec Shining on My Own, c'est sur Estival FM que ça se passe, c'est sur le 107.4. Et voici que vient poindre la prochaine, vient montrer le bout de son nez la prochaine rubrique, il s'agit de la météo des fruits de mer. La météo des fruits de mer qui est quand même très attendue par les auditeurs. Léna, qui connaît très bien cette météo, va nous parler un petit peu du temps. Ah Léna ! Oui, oui. Donc aujourd'hui, le ciel sera couvert avec des pluies modérées ou fortes. Donc en fait, il fera pas très beau, ça va pas être top, mais bon, il fera quand même 17 degrés. Sinon, pour le dicton du jour, ah, c'est... le dicton du jour. Ouais. Homard qui pince, pluie qui rince. Il a pincé aujourd'hui ? Bah oui, vu comment il pleut, celui qui l'a pincé doit pas être heureux non plus. Hein. C'est vrai que t'as des bleus partout et il a dû te pincer le homard. Club VIP ! Pour la musique, c'est Neyman, viens ! Viens danser pour moi, si tu es là pour ça, je veux que tu sois. Tu es number one et c'est que tu me plais. Ce que je kiffe chez toi, c'est quand tu me laisses faire. Plus de temps à perdre, on a beaucoup à faire. As-tu compris? Est-ce que c'est clair? Si girl, tu es number one et c'est que tu me plais. Ce que je kiffe chez toi, c'est quand tu me laisses faire. Plus de temps à perdre, on a beaucoup à faire. As-tu compris? Est-ce que c'est clair? It's a mystery, mi dodo, opo yo dodo. Sexy girl, mi bali waka kondoro. A so many money, say be happy. Don't pay you, but you know happy. Je veux te voir balancer, petit à petit, on va pouvoir s'élancer sur la bonne cadence qui nous permet de danser. Igal, j'ai tout misé pour t'amuser. Si tu aimes la musique, je veux te voir balancer, petit à petit, on va pouvoir s'élancer sur la bonne cadence qui nous permet de danser. Ma sexy lady, viens danser pour moi. Si tu es là pour ça, je veux que tu sois. Faut bosser na dansal, mais comme faut singer na dansal, yo comme faut danser na dansal, ça yo wanna dansal, mais comme faut bosser na dansal, mais comme faut singer na dansal, yo comme faut danser na dansal, ça yo wanna dansal. If you love me, come on and get me, tell me where you know where me at. That's why you there make me crazy, sexy girl, try to make me. VIP. C'était Neyman à l'instant avec le titre Viens, viens sur l'antenne. Neyman, des artistes qu'on aime bien cet été sur Estival. Puis on fera des petits sondages musicaux avec Léna, on verra ce que vous aimez bien cet été sur la plage, sur quoi vous aimez bien danser. Ça c'est bien, hein. Qu'est-ce qu'on va retrouver juste après le prochain titre? Le Dance Machine du jour. Ah ouais, ça c'est les succès qu'ont fait les beaux jours des années 90 au niveau des compilations Dance Techno. Et on n'en dit pas plus, on laisse les auditeurs s'écouter un Travis avec Selfish Jean. Ou Selfish Jean si on continue en anglais. Et on se retrouve après. Ouais. On fait ça. Go, let's go. We'll be right back. Travis, Selfish Jean. Club VIP. Selfish Jean également pour les Anglais. Nous allons attaquer la suite du programme avec le fameux Dance Machine du jour. Ce petit tube ringard qui vient de derrière les fagots et que Léna nous retrouve chaque fois, chaque jour. C'est le Dance Machine du jour, c'est ça. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Alors Léna. Aujourd'hui, on va retrouver Brooklyn Bounce avec Get Ready to Bounce, ça va. Donc en fait, c'est le nom d'un duo allemand de musiciens techno. Donc il a été fondé en 1995. Ce groupe a produit un grand nombre d'albums ainsi que plusieurs remixes pour des artistes tels que Scooter ou Kool & The Gang. Ouais, quand même, Kool & The Gang. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et ils s'appellent Boone, c'est ça ? Brooklyn Boone. Ils viennent de Brooklyn ? Ils viennent de... d'Allemagne, d'Hambourg, je crois. Ah ouais, quand même. Mm. Donc ils ont joué un peu sur le côté américain, c'est bien ça. On les écoute, c'est bien sympathique en tout cas. Vous allez les redécouvrir, c'est le Dance Machine du jour. Ça part de suite. Ah oui, tout de suite. Hein. Ça réveille, hein. Bounce. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Get ready. Get ready to bounce. Premier sur les crevettes. Premier sur les crevettes. Voilà, Estival, vous l'avez entendu à l'instant, c'était une crevette radiophonique, ça s'appelait Brooklyn Boons, et c'était bien sûr le revival du jour, hein. Si vous avez pris la radio en cours de route, vous avez dû être un peu surpris, décalé. Et ben, rassurez-vous, on va revenir avec un programme plus contemporain, disons avec des titres plus dans la couleur 2007. La suite du programme, puisque je suis avec Léna qui est bien radieuse aujourd'hui. Hein. Merci. Donc on va retrouver le Sun Game donc qui va vous permettre de gagner beaucoup de cadeaux. Donc des bracelets et c'est des huîtres à partir du 9 juillet, c'est ça? Ouais, à partir du 9 juillet, 4 bourriches, 4 douzaines. Parce que bourriche c'est beaucoup, on m'a dit bourriche c'est 100 huîtres. Et la bourriche c'est quand on fait une erreur, c'est voilà, ça? C'est la boulette. Bourriche. Le bourricot il est où? Non, c'est une bourriche d'huîtres de 48 huîtres. 48 huîtres. Huîtres. C'est pas facile à dire. Hein. C'est pour ça qu'on dit 4 douzaines d'huîtres. Voilà, c'est plus facile. Hein. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est à venir effectivement. Est-ce qu'on donne la réponse du jeu hier? Ah oui, je vais faire. Oui, oui. D'accord. Ah, on a fait alors. Allez, allez, c'est parti. Attends, je te mets le générique peut-être? Non, allez. Non, non. C'est pour tout à l'heure le générique. Donc, je rappelle la charade. Donc, mon premier se bat contre Goliath. D'accord. Mon second est un mouvement d'air. D'accord. Mon troisième est la première syllabe de Tata. Mon tout est un DJ célèbre. Alors, les gars. Henri Pétard. Je ne sais pas. Qui c'est qui se bat contre mais, Goliath? Il y a une erreur d'ailleurs dans la charade, on l'a relevé. Oui, mais... c'est vrai qu'on a oublié. David Vanta. Vanta, donc on a oublié le 2, le D, donc ça fera 20. David Vendetta. Mais vous l'avez trouvé malgré tout, il y a des petites subtilités dans ces charades, mais vous n'êtes pas auditeur des non-initiés à la musique, donc à la charade, vous avez su replacer la syllabe manquante. Bravo en tout cas à vous pour avoir gagné tous ces bracelets qui sont très beaux. Et on vous fait gagner les mêmes juste après Passy électrique, c'est son tout dernier. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. I said the hip hop, you don't stop and pump it up. À l'époque c'était Smurf, Drake et Hop Rock. Dans les halls fat lacés, les chaînes en toc. Sur 23 bandes, ma bande, mon 95, mon bloc. On écoutait Bambata, Big Daddy Ken, elle est Luton Lock. Les tags, les toys, les graphes et les flops. Soirée hip hop à la coupole, Sydney était au top. Animé par le jeune Cut Killa, Lionel D, Dynasty. Actual Force, Razorback, le break, le défi. 87, Styler, Modas, Tommy B. T.A.B. B-Boys, forme le Hammer Posse. Fan de P.E., N.W.A., Ultramagnetic, M6. Après Johnny Go, on prend le micro et on crash nos vies. Bang bang, sur instru du Boogie Down Production, les premières rimes sur le beat. Aujourd'hui le rap peu nargant. C'est clash sale, c'est slam, c'est brut élégant. 50 Snoop ou Pharrell, on a pareil, on a nos clans. C'est l'espace-temps, tous les rappeurs veulent le cinquième élément. La gagne, le classique shit, la classe eux, le shit. Mec éloquent depuis 20 ans, j'ai les putains de titres. Garde les gants pour les bêtes de clips qui vont avec. 2007 est plus volant, elle est trop fière, arrogant. Pilier dans ce rap français, fier car je viens d'en bas, hip-hop, ma vie, mes racines, Abdoulaye et Tanda. Sexy chocolate girl, come and work your body. Work your body. Show us what you got. We need to know the party. Let's go party. What? Sexy, foxy, I'm on spot, make it free. Move to the gangster band. Dans le futur qui sera, roi ou ira, le move qui sera MCMVP, street credibility. En tout cas, moi j'accélérerai toujours à l'appui du groove. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, non que la mer s'ouvre. Après le crunk, y'aura quoi? Le brunk qui contrôlera le hip-hop, bis d'un gang de fils de punk. Est-ce qu'on dira toujours Zulu, Bounou, voyons nos styles chez nous? Est-ce que le boogie boogie aura toujours le goût chez nous? À l'instant, c'était Passy avec le titre Électrique, le tout dernier Passy. Et il y a un petit quelque chose, on se disait dans les studios, il y a un petit quelque chose de Tupac dans la musique de Passy, California Love, si vous vous rappelez de ce chanteur Tupac. On espère en tout cas que Passy finira pas comme lui, parce que là, il a pas eu de chance, le pauvre Tupac. Nous allons attaquer avec la suite du programme, et ça va être le Sun Game pour gagner aujourd'hui encore des bracelets. Et dépêchez-vous, c'est une des dernières fois qu'on vous fait gagner des bracelets. Après, il y a des cadeaux un peu moins bien, bon... Non, je rigole, c'est énorme après. C'est des dizaines et des dizaines d'huîtres à manger comme ça par jour. Et on vous les fait gagner sur l'antenne. Et là, c'est les derniers bracelets collector. Je sais que c'est très tendance. On a bien vu les artistes commencer à en porter à la télévision. Regardez bien, ils ont les bracelets verts qui sont arrivés déjà de Perros Guirec. Si, si, regardez dans les émissions, vous les verrez. Le Sun Game. Le Sun Game. Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. Alors, les cadeaux plein la radio, c'est avec Léna et c'est la charade du jour qu'il faut deviner et nous donner la réponse par SMS. Alors, mon premier sert à tenir une voile. Mon second est le prénom de la fille du producteur Aaron Spelling dans son rôle dans la série Beverly Hills. Cyril. Mon tout est une chanteuse. D'accord. Alors, quelque chose qui sert à tenir une voile. Oui. Et puis le nom de la fille du producteur Aaron de la Spelling, série. Dans la série qui s'appelle les... Tori Spelling d'ailleurs dans la voilà. Donc c'est quel ça. Est son prénom dans la série Beverly Hills si vous l'avez et que vous réunissez les deux morceaux, vous avez le nom de la chanteuse qu'il faut nous envoyer par texto tout simplement pour gagner les bracelets collector Estival FM. N'hésitez pas, c'est premier sur la plage et ça cartonne et puis c'est en vente nulle part donc faut vraiment les acheter, les gagner tout simplement gratuitement. Sean Paul pour la suite de la musique Will Be Burning. Just give me the G's and we be clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make we please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to minor T's, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, though provoking. Call the girls where we're poking, got to smoking. Best thing for the recreation, to get the best girls in every nation. Our girls we promoting and supporting, and them lover we're floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England, and Jamaica every day. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it, but we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it with pimping as we riding. Girl, them a page me want to raise me to me writing up tune and drive them crazy. Well, I'm when I two born Jamaican, ready for the girl them in every situation. We are the girl them proud, they know we flow with the lyrical content that make them dip low. And make the club keep jumping, turn up the bass when the air this pumping. Summertime bounce to the music, people choose it. Sound up, here, girl, I cruise it, well reputed. Cause we are the girl them champion, got enough of them like the great King Solomon. Many girls on my eyesight, sexy dress type, and I'm ready for your heart, now just give me the light and make we blaze it, the roof we have to raise it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars turning, cause we mind it for we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, limping as we riding. Just give me the deeds and we be clubbing, yeah. Clubbing, yeah. Y'all make we please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, yeah. Bubbling, yeah. Set to mind the teas, we gotta take it slow. So when the city SP floating, don't provoke him. Cause the girls will be poking, got to smoking. Best thing for the recreation, forget the best girls in every nation. Some of girls we promoting and supporting, and them love how we floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica every day. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars turning, cause we mind if I we pay. More than gold and oil and diamonds, girls we need them every day. Recognize it, pimping as we riding again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars turning, cause we mind if I we pay. More than gold and oil and diamonds, girls we need them every day. Recognize it. And we be clubbing, yeah. Clubbing, yeah. Y'all make we please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, yeah. Bubbling, yeah. Set to mind the teas, we gotta take it slow. Quand on a fait la fête la dernière fois avec les plumes, il y avait plein de plumes dans le jardin, qu'est-ce qu'il a ramassé ? Xavier. Oh, c'est vrai ? Trop gentil. Voilà, ça c'était la fin de donc Sean Paul. Et là, vous avez entendu un petit extrait quand même en direct de Secret Story. C'est à venir, puisque ça va être une chronique récurrente à la radio jusqu'à ce que d'autres émissions de télé-réalité montrent le bout de leur nez sur la télévision. Et nous ferons un plaisir de vous disséquer un petit peu ces informations qui tombent dans tous ces programmes fort intellectuels, ma foi. Petit rappel sur le jeu en cours, le Sun Game. Vous pouvez gagner des bracelets estivales aux couleurs de l'été, vert, orange et bleu. Et l'énigme, c'était alors... l'énigme à trouver, oui. Mon premier sert à tenir une voile. Mon second est le prénom de la fille du producteur Aaron Spelling dans son rôle dans la série Beverly Hills. Donc mon tout est une chanteuse. Voilà. Le Sun Game. Sun Game. Des cadeaux plein de radio. Et numéro SMS pour nous répondre. Contactez la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. 0622 69 18 19. Voilà, vous avez le numéro SMS et vous pouvez jouer tout simplement à ce jeu pour gagner ce que vous avez entendu, donc ces fameux bracelets collecteurs. C'est maintenant l'heure de retrouver le TVScope. TVScope, c'est ça, hein ? Oui, sur Secret Story. Oui. Oui, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est oui. C'est bien l'heure du TVScope, hein, oui. Que je dise tu, pas de tu bêtises. Tu as raison, tu as raison. Le TVScope, toute l'actu de la télé, enfin à la radio. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Secret Story, émission de télé-réalité, s'il en est importante ? Alors, Maxime pense que Xavier est transformiste. D'accord. Car, en fait, Xavier est un homme qui fait très, très attention à lui. Donc, il s'épile, il se crème la peau. Et lors d'une émission collective, il a bien imité les filles. Donc, Maxime a décidé de valider le secret auprès de la voix. D'accord. Donc, il a buzzifié, comme dit Lali. Du côté des filles, bah, Lali soupçonne Tatiana d'être un homme. Mais bon, après quelques explications avec l'intéressé, en fait, Lali, elle jette l'éponge parce que c'est parce vraiment pas ça, quoi. Parce qu'elle a compris que c'en était pas un, ça se voit assez vite, en ouais, fait, ouais. Elle peut vérifier. Ouais. Mais comme c'est une acharnée, en fait, elle essaye de repartir sans Maxime et maintenant, elle pense qu'il a gagné au loto. C'est quelqu'un de riche. Est-ce que Lali pèterait pas un peu les plombs dans l'émission? Je crois, l'autre fois, je crois qu'elle a pété un pont parce que son copain lui manquait, donc je pense que ça doit être dans cette lignée-là. D'accord. Et au niveau des nominations, en fait, vous savez pourquoi Nadège et les triplés ont été nominés? Non, je sais pas. Non. Alors, Nadège est nominée car, en fait, elle n'est pas assez impliquée dans le groupe. Ah ouais? C'est dommage pour elle. Et les triplés, en fait, elles sont nominées par stratégie. En fait, t'imagines, ils ont des stratégies quand même là-dedans. C'est si rare. Et en fait, pour eux, bah, trois fois plus de chances de trouver des secrets, donc on préfère les virer. Il y a gros à gagner, c'est pour ça un peu voilà. Qu'il y a des stratégies. Mmh. Je me permets de faire une petite connexion avec... Ouais, vas-y. C'est du direct. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elles vont venir nous casser les couilles Ah, Lali. Lali. Non, parce qu'il y en a une, on a repéré, elle disait que des gros mots, un à la seconde à peu près. Mmh. Ce matin, mais t'as ses affaires encore devant ma gueule, quoi. Sur tous mes trucs. Wesh, ma gueule. Ça fait depuis le début du jeu qu'elle me fait ça. Tu vois, j'attends, je suis sympa tous les matins, je le dis gentiment. Je pense qu'au bout du 14e jour, tu vois, j'ai le droit de péter un câble. Et encore, j'ai même pas pété un câble. Je lui dis, excuse-moi, est-ce que tu peux sortir tes affaires parce que j'ai plus de place, là. Comme d'habitude. Ça me paraît. Et là, la meuf, elle dit, ouais, putain, t'en as pas marre de râler. T'es tout le temps en train de râler, machin. J'ai dit, mais attends. Je râle pour des trucs qui se valent, quoi. Je prends pas le cul aux gens le matin quand je me lève, quoi. Bah ouais, toi, quoi. Je te demande gentiment de dégager ton maquillage que t'as étalé sur mes fringues, ton pyjama, ton string, tu vois, que t'as sur ma brosse à dents. C'est du direct. Hein. Tiens, ils viennent de couper d'ailleurs à l'instant même. Ils se sont dit mince, elle est en train de péter encore un plomb. Voilà, pour Secret Story en direct. Voilà. Et pour la musique, on va retrouver The Drill, c'est ça. Et on se retrouve derrière pour la suite, c'est le journal de la rédaction, le rappel. VIP. Club VIP avec The Drill à l'instant, sorti en 2006. Vous l'avez bien sûr reconnu, ça a fait les beaux jours de l'été 2006. Mais nous sommes en 2007 et il y a un journal de la rédaction avec des informations, ma foi, bien croustillantes. Et on va vous faire un petit rappel sur le programme Cap Armor Destination Bien-être. C'est le journal de la rédaction. Journal d'estival. Le journal d'estival. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde ? À Paris, les auteurs de Coup de Boule, souvenez-vous, Coup de Boule, Coup de Boule, Coup de Boule. Le tube de l'été 2006 espère répéter l'opération en 2007 avec cette fois une chanson ironisant sur le dopage dans le Tour de France. Vire hein, qu'il est dopé, je sais pas comment ils vont faire, mais ça va être quelque chose dans ce style-là. Il court plus, remarque. Les policiers d'une ville néerlandaise ont vu passer un homme à vélo sur le toit d'une voiture. Le conducteur et son épouse ont déclaré aux agents qu'ils avaient bien entendu du bruit. On peut imaginer. Lorsqu'ils ont été stoppés à un feu rouge, mais ils n'avaient pas réalisé qu'ils prenaient un passager clandestin, un cycliste. Peut-être qu'ils préparaient le clip des auteurs de Coup de Boule, qui sait ? Peut-être. Léna, la suite, c'est le programme de votre région, finalement, de Perros-Guirec. Les estivales 2007. Donc cet après-midi, venez découvrir l'atelier dessin animé. Donc c'est pour les 7-12 ans de 14h à 16h. Ensuite, ça sera l'initiation au speedminton à 13 Traou de 14h à 15h, suivi du tournoi. Pour la soirée, c'est du bowling de 19h à 21h. Et pour demain, donc vous avez venez découvrir du bricolage. Donc c'est de la fabrication de carillons ethniques de 14h à 16h. Ensuite, venez vous initier à l'activité ultimate. Donc apparemment, ce serait du frisbee d'après Thomas. C'est ça. De 14h à 15h à 13 Trignel. Ensuite, suivi d'un tournoi de 15h à 17h. Puis dans la soirée, initiation au tennis de table de 17h à 19h. Et pour la journée du lendemain, vendredi. C'est fait. D'accord, tout est fait. Tout c'était est le fait. Bowling alors vendredi soir. Non, c'est ce soir le bowling. C'est ce soir. D'accord. Et vendredi soir. Et demain, c'est vendredi soir, c'est tennis de table. Ah d'accord, ok. Autant pour moi. Daddy Yankee, Impacto. Let's go. Et c'était Yankee Daddy, Daddy Yankee, Impacto. C'est le Club VIP qui repart avec Léna aux commandes. Oui. Et puis la suite du programme, je te laisse le faire parce que je sais que tu le fais très très bien. Les auditeurs, ils aiment bien. Ah d'accord, donc ça va être Relax Reflex si ça te dit. Ah oui, samedi, tout à fait. Les bons plans pour passer un bon été avec mes petites recettes de grand-mère. Voilà. Attention, attention. Il faut savoir quand même que Léna est la spécialiste de la promotion santé sur l'antenne. Oui. Et qu'elle m'a permis d'avoir un ventre plat en... En une soirée ? En une soirée. Là, c'est un peu juste quand même. Faut bien, on a dit qu'il fallait 15 jours. Tu sais, on fait l'animatrice qui fait des miracles sur l'antenne. C'est vrai. Ouais, en une soirée, elle peut vous faire retrouver un ventre plat, arrêter la cigarette. Avoir un joli teint, ça c'est faisable. Ah oui, en d'accord. En une soirée. Enlever les poches aussi, de sous les yeux. Ouais, ça, ça, faut, ça, ça reste on va à peut-être faire ça en fait aujourd'hui. Tu veux faire ça ? Oh, bah, écoute, après un petit Maroon 5 qui va nous mettre quelques poches sous les yeux, puisque nous allons bien sûr danser comme sur toutes les musiques, on vous invite, auditeurs, à nous retrouver pour les réflexes relax. Et puis, ce conseil pour retrouver des jolis contours de Dieu. De Dieu. La radio, un simple texto suffit. 0 622 69 18 19. 0 622 69 18 19. Club VIP. Et c'est reparti avec Léna qui va nous parler conseils, réflexes, relax pour être bien dans son corps, bien dans sa tête et puis également bien sous le contour des yeux aujourd'hui. Et tiens, je pense que ça peut bien le faire avec la musique de la météo. oui, ça peut être sympathique. Alors, je vais vous proposer en fait un truc qui fait des miracles, apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est pour enlever les poches sous les yeux. Donc, en fait, il faut appliquer une rondelle de pommes de terre crue sous chaque œil, fermé et laisser poser 2 minutes. C'est hyper pratique, apparemment, avant une soirée. Vous avez l'air un peu fatigué, vous avez les poches. Hop, une rondelle sur chaque œil et c'est parti. Eh bien, c'est pas mal et c'est simple. Ce que j'aime bien avec tes conseils, c'est qu'il n'y a pas besoin de 10 000 accessoires. Non. Une bonne patate, un jaune 2. Vous sortez avec votre jaune 2, votre patate dans la poche. Mais il n'y a pas de jaune 2. Non, mais pas dans cette une fois-ci. Précédente recette, ah, si oui, vous voulez avoir la pour classe, un joli teint, la oui. totale. Non, je résume à chaque fois pour les auditeurs les ingrédients d'accord. qu'il faut pour avoir le style. Et pour la musique, bah, vous écoutez un petit Magic System qui dit mais. Alors là, c'est le moral qui repart au beau fixe. C'est le tout dernier. Magic System encore ici, avec quoi de Belé? Mais, y'a quoi les gars? Sous la couverture, yo! Yeah. Magic System, à l'instant avec Kidimé, vous êtes en compagnie de Léna. C'est le direct et un petit tour du côté du programme. On va retrouver une rubrique que j'aime beaucoup. Il s'agit des vacanciers que tu vas interviewer sur la plage. Oui. Enfin, que tu vas d'ailleurs interroger. Si, si, c'est le lancement vacancier, souviens-toi Léna. Non, parce qu'on prépare tellement l'émission, il y a tellement de chroniques que parfois... Hein, on sait plus où on est. Ah bah tiens. Donc là, nous allons retrouver un vacancier qui va donc nous lancer un titre. Et c'est un petit peu une rubrique où on vous laisse la parole sur l'antenne. C'est-à-dire que si vous voyez Léna, que vous sentez l'âme d'un animateur radio, n'hésitez pas à aller la voir pour tout simplement tenter un peu votre chance sur la radio, comme ça, comme on peut le faire sur les annonces de titres. Tiens, Léna, tu fais le vacancier, tu annonces le prochain titre. C'est David Guetta, Love is Gone. Donc vous allez retrouver David Guetta avec Love is Gone. Ah, c'est bien fait. Love is gone. What are we supposed to do? After all that we've been through, when everything that felt so right is wrong, now that the love I feel so hurt inside. Feel so hurt inside. Got to find a reason. What are we supposed to do after all that we've been through? When everything that felt so right is wrong. Now that the love behind us is gone. Now that the love left to prove. Now you still deny this simple truth. Can't find the reason to keep holding on. Now that the love behind us is gone. Got to find a reason. Got to find a reason. Got to find a reason. Got to find a reason. Got to find a reason to hold on. Love, there's nothing left for us to say. Au sommet de la bande FM. Sommet de la bande FM. 107.4. Club VIP. On a comme ça des jingles à la radio qui réveillent et vous écoutez le Club VIP pour cette dernière ligne droite où on va vous offrir tout simplement l'antenne puisqu'on va retrouver le lancement vacancier. Faut appeler un vacancier. Et il va annoncer un titre. Alors aujourd'hui, de toute façon, c'est un petit peu à chaque fois une découverte. On va lancer celui-là. Tiens, ce vacancier-là va venir à l'antenne comme ça. Hop. Et il va nous annoncer un titre. Je le fais venir. Vous le voyez pas, hein, ça reste que de la radio, évidemment. Et après, hop. Je place mon vacancier. Hein. C'est assez compliqué. Tu peux peut-être décrire un peu le vacancier qui s'installe. Voilà. Oui, bah alors en fait, il a une taille moyenne. Il est brun aux yeux marrons. Il a l'air super sympa. Il va tout à l'heure nous dire son prénom parce que pour l'instant, il est un peu timide. Bah oui, il se prépare. Mais, il se prépare un petit peu. Mais c'est clair. T'as raison. Il va bien en tout cas. Il a le sourire, il est bronzé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors voilà, le lancement vacancier, on n'a pas son titre, il nous a demandé, il nous a demandé un titre que on... Ah si, ça y est, on a son titre. Alors on y va, lancement vacancier, c'est parti. Le lancement du vacancier, c'est vous l'animateur. À toi. Retrouvé sur Estival, sortie Elise Baxter avec Catch You. D'accord, merci. The morning paper. On your keychain, or in the coffee spoon, on your shirt sleeve, in the flat screen, in your mailbox, I'm breathing over you. Come on, baby, when will you see that you and I were meant to be? And now I got my target on track. Baby, you should know that I'm so good at that. Run to where you want, run to where you want. I'm gonna find you. festival à Pérouse-Kirec, au sommet de la bande FM. Sommet de la bande FM. 107.4. 107.4 estival au sommet avec Léna dans les studios pour la dernière ligne droite comme on dit de l'émission. On va peut-être faire un petit point sur cette émission qui a été ma foi bien sympathique quand même. Avec son lot de surprises, on a fêté aujourd'hui la Saint-Antoine. Saint-Antoine. Tu nous avais dit quoi à propos d'Antoine ? Qu'il était invoqué pour retrouver des objets perdus. et ses mots ? Pardon ? On peut l'invoquer pour retrouver ses mots aussi ? Je ne pense pas. Non ? Ça fonctionne pas. Mince. Non, par contre, je veux bien rappeler Sun Game. Ah, le Sun Game, vous pouvez toujours jouer. N'hésitez pas, c'est pour gagner des bracelets. Vous envoyez un SMS, nous on vous recontacte derrière, puisqu'on aura votre texto. Et le Sun Game, c'est très simple, c'est ceci. C'est ceci. Oui, c'est une charade. Donc, mon premier sert à tenir une voile. Mon second est le prénom de la fille du producteur Aaron Spelling dans son rôle dans la série Beverly Hills. Ah ouais. Et mon tout est une chanteuse. Très, très connue. Ah oui, on se demande bien qui c'est. Bah merci en tout cas pour cette charade. 0622 69 18 19. 0622 69 18 19. Tu l'as entendu Léna ? Oui je l'ai entendu. C'est quoi ? 0622 69 18 19. Voilà, vous pouvez nous envoyer vos textos, on vous fait gagner, c'est de la générosité sur l'antenne. Club VIP. Et la suite de la musique, c'est Nelly Furtado avec Say It Right. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0 622 69 18 19. 0 622 69 18 19. Premier sur les Bigorneaux. Premier sur les Bigorneaux. Club VIP. Oui, Estival, on est premier sur un petit peu tout ce qui est, concerne la plage, la mer et puis les auditeurs, bien sûr, les vacanciers. Voici que s'achève Léna cette émission du Club VIP. Nous étions donc, nous sommes le jeudi 5 juillet, c'est pour dire que c'est du direct, c'est pour dire que la météo s'annonce plutôt mitigée. Oui, plutôt pluvieuse, ça n'a pas l'air d'être super. Mais il y a du vent, alors ce qui est rassurant ici dans cette zone, hein, c'est quand il y a du vent, il peut y avoir du soleil derrière. Oui. Bon, voilà. Et puis aussi, je voudrais fêter l'anniversaire de ma petite sœur qui a 20 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, l'anniversaire... la sister de Léna. Donc voilà, 20 ans déjà. 20 ans déjà, ça s'agrandit, hein. Eh bien oui, bien vite ma foi. Si vous voulez comme Léna, oui Léna, tu avais une petite précision. Oui, pour destination bien-être. Ah oui, voilà, c'est la promotion santé qu'on fait tout l'été sur la plage. Et qu'y a-t-il de beau dans cette destination bien-être aujourd'hui ? Alors, cet après-midi, c'est 13 sans stress. Donc, c'est pour apprendre à faire des 13 brésiliennes. Ah ouais, mais sans stresser. Sans stresser. Avec du coton, on entoure la mèche. Et donc, après, vous pouvez faire plein de jolis dessins. Donc, ça, c'est à 13 Traou. Et demain, en fait, c'est des conseils pour garder des cheveux en bonne santé. D'accord. Malgré le soleil. Donc, tout ce qui est lié, effectivement, à l'apparence, au look, hein, cette destination voilà, bien-être... Eh bien, ne ratez pas ce rendez-vous et je crois même, j'ai entendu dans les bruits de couloir de la radio que tu te préparais peut-être à faire une descente avec un micro dans ce coin-là. Oui, je pense. VIP. Merci de l'avoir merci écouté. Merci à vous. VIP. Allez, à demain. Bye bye, même heure, même endroit. Ciao, Léna. Bye bye.